allongé sur mon pull, regarde mon plafond. À psychoter pendant des heures et c'est le désordre dans ma tête, à tout remettre en question. J'suis trop mal, j'pète un boulanger le caisson qui va exploser. Appelle-moi tonton, la déprime, et qui est tonton le névrosé. J'fais pas le mesquin, j'suis usé. J'fais pas le mec clean, parce que c'est pas vrai, tu serais choqué si tu savais. J'suis déjà sale, on veut me salir, j'suis deux fois plus sale. On remplit des salles, mais j'me sens deux fois plus seul. De plus en plus le seum, de plus en plus déçu, j'ai vu. Maintenant je sais, ce sera jamais plus comme à l'ancienne, j'ai cru en l'unité, mon cul, j'me suis fait fourrer. Moi je me suis gouré sur toute la ligne. On commence à mille, on finit seul dans sa piole avec une sale mine. À compter ses amis sur la moitié des doigts d'une main. Chacun fait sa vie, c'est humain. Je devrais pas me prendre la tête, je sais c'est nul hein. La nostalgie c'est nocif, ça fait pas du bien. Tellement de bons moments, pourtant c'est les mauvais qu'on retient. On se laisse en froid, on sait même pas ce que l'autre devient. Des gens qui représentaient tout, mais aujourd'hui ne représentent rien. Du tout, c'est tout ou rien. Y'a pas d'amis, juste des moments d'amitié avec des connaissance, plein la différence, ne fais paniquer. Wesh la famille, wesh cousin, wesh frangin, des mots qu'on dit, mais qui en vrai ne signifie rien. Y'a pas d'amis, juste des moments d'amitié. C'est devenu grave, n'importe quel pédale peut te niquer. Wesh la famille, wesh cousin, wesh frangin, des mots qu'on dit, mais qui en vrai ne signifie rien. Fonder une famille, c'est le but, faire sa vie. Combien sont tombés sur des putes, expertes en matière de survie. Des je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons, toi et moi, c'est pour toujours, on fait des gosses et la relation. Tourne au vinaigre, je voulais un enfant de toi, ça fait longtemps que j'attendais, puis un beau jour, bah elle veut plus de toi. Elle veut plus te voir, elle se barre avec les mots, mais elle tournait le dos, plus marre, elle t'a fait mal avec les mots, c'est tard. J'entends des histoires qui font froid dans le dos, j'ai presque perdu l'espoir de tomber sur la bonne go. J'ai fait le salopard, j'ai payé plein pot, je me suis fait bébar, je finis en solo, comme sur ce son low, je raconte mes déboires, on peut en discuter. Y'a matière à débat, qu'est-ce que tu veux boire? On se met bien, on sympathise, on se rappelle, on se revoit. Tu me plais bien, on s'attire, je deviens croque. Les yeux qui brillent, en plus ça me dit qu'elle m'aime. Que y'a que moi, que je suis le seul, je tombe love d'elle. On passe des heures au fun d'elle. Puis viennent les premières disputes pour des futilités qui deviennent des montagnes. Est-ce que l'on s'aime par habitude ou est-ce un amour véritable? Les prises de gueule m'ont rendu irritable. Elles veulent te mettre la disque, elles disent qu'elles sont irréprochables. En tout cas sur ta liste, j'irai pas le prochain. C'est pas de l'amour, on s'était juste habitué d'un pas trop. Ta confiance fait bien la différence, te fais paniquer. Ma chérie, mon bébé, mon amour, des mots qu'on dit. Puis on se quitte pour un prétexte pas lourd. C'est pas de l'amour en fait, c'était du vice fait. C'est venu grave, n'importe quel pédasse peut te niquer. Ma chérie, mon bébé, mon amour, des mots qu'on dit. Puis on se quitte pour un prétexte pas lourd. Moi j'envisage toujours le pire, je préparais psychologiquement. Toujours se dire que la vie est pleine de rebondissements. Je vais pas te cacher que j'ai du mal à encaisser, mais je suis debout. Même si je suis profondément blessé, ça me fait plus rien qu'on me descende, qu'on me flatte. Je suis paranoïaque, ma tête est malade, donc parle à mon fiacre. Fidèle au poste, ADH et puis Neville Daleuse. 95, 93, t'as eu mon village Daleux. Bonjour de Checho, et qui est papi? Et qui est qui? Et qui est quoi? Et qui est parti? En cacahuète, t'inquiète, et qui est tonton? Parti de rien, je suis parti décrocher le bonbon. J'ai toujours été gentil, mais surtout trop con. J'suis devenu aigri, enfermé dans mon cocon. Toi j't'ai aigri, tu joues l'ami, tu fais galerie, man. Je rentre dans ton survie pour te baiser avec le smile. J'suis ni ton zin, ni ton pote, ni ton frère. Mais si on a des intérêts communs, on pourra faire affaire, copain. J'suis pas un saint comme toi, j'suis un enculé. Comme toi j'ai faim, retiens l'information et fais-la circuler. J'suis qu'un raclo de plus qui dit pas non. Contenu que ça a le nul, diagonale dans le pantalon. Tonton c'est pas de refus, ceux qui pénavent le plus sont ceux qui ne font rien. Viens pas me reprocher quoi que ce soit, moi j'te dois rien. Rien. Y'a pas d'amis, juste des moments d'amitié. Avec des connaissances, c'est plein la différence, te fais paniquer. Wesh la famille, wesh cousin, wesh frangin, des mots qu'on dit, mais qui en vrai ne signifie rien. Y'a pas d'amis, juste des moments d'amitié. C'est devenu grave, n'importe quel pédale peut te niquer. Wesh la famille, wesh cousin, wesh frangin, des mots qu'on dit, mais qui en vrai ne signifie rien. Y'a pas d'amis, juste des moments d'amitié. Avec des connaissances, c'est plein la différence, te fais paniquer. Wesh la famille, wesh cousin, wesh frangin, des mots qu'on dit, mais qui en vrai ne signifie rien. Y'a pas d'amis, juste des moments d'amitié. C'est devenu grave, n'importe quel pédale peut te niquer. Wesh la famille, wesh cousin, wesh frangin, des mots qu'on dit, mais qui en vrai ne signifie rien.